Chapitre 20. L'indication du bien et l'appel à la voie droite ou à l'égarement. Allah Ta'ala dit: appelle les gens vers ton Seigneur. Sourate 28, verset 87. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. Car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s'égare de son sentier. Et c'est lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. Sourate 16, verset 125. Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété. Sourate 5, verset 2. Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable. Sourate 3, verset 104. 173. Selon Abu Mas'ud, Uqba ibn Amr al-Ansari al-Badri, radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui invite à faire le bien obtient la même récompense que celui qui l'accomplit. Muslim. 174. Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam a dit: celui qui appelle les autres à accomplir une bonne action obtient la même récompense que l'ensemble de ceux qui répondent à son appel sans que cela diminue leur récompense. Et celui qui appelle les autres à commettre une mauvaise action commet un péché équivalent à celui de l'ensemble de ceux qui le suivent sans que cela diminue leur péché. Muslim. 175. Selon Abul Abbas, Sahl ibn Sa'd al-Sa'di, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit lors de la bataille de Khaybar: je donnerai demain l'étendard à un homme par lequel Allah nous accordera la victoire. Quelqu'un qui aime Allah et son messager, et qu'Allah et son messager aiment. Les compagnons passèrent la nuit à se demander lequel d'entre eux allait l'obtenir. Le lendemain, ils se rendirent auprès du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, chacun espérant être désigné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda alors: où est Ali ibn Abi Talib? Ô messager d'Allah, répondirent-ils, il souffre des yeux. Faites-le venir, ordonna-t-il sallallahu alayhi wa sallam. Il lui crachota sur les yeux et invoqua Allah en sa faveur. Ali, radiyallahu anhu, guérit comme s'il n'avait jamais souffert des yeux. Le prophète lui donna alors l'étendard. Ali, radiyallahu anhu, demanda: ô messager d'Allah, dois-je les combattre afin qu'ils deviennent comme nous, musulmans? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: avance sans te précipiter, et quand tu seras face à l'ennemi, appelle-le à l'islam, puis informe-le de ce que Allah lui a imposé. Et je jure que si Allah guide un seul homme par ton intermédiaire, cela est mieux pour toi que de posséder le bien le plus précieux, littéralement qu'un troupeau de chameaux bruns. Al-Bukhari et Muslim. 176. D'après Anas radiyallahu anhu, un jeune homme de la tribu des Aslam a dit: ô messager d'Allah, je désire partir au combat, mais je n'ai pas de quoi m'équiper. Il, alayhi salatu wassalam, lui répondit: va voir un tel, car il s'était préparé pour partir au combat, mais il est tombé malade. Le jeune homme se rendit effectivement auprès de lui et dit: le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, te transmet son salut, son salam, et t'ordonne de me donner ton équipement. L'homme dit alors à sa femme: hé toi, donne-lui ce que j'ai préparé pour le combat et n'en garde rien. Par Allah, si tu en gardes une partie, cela ne te sera pas béni. Muslim. 176.